Malheur à toi, malheur. Et encore malheur à toi, malheur. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculé ? Et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé et formé harmonieusement. Puis en a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ Celui-là, Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts ?